Melbourne. Comme à l'aller, le retour se fait sous le soleil, capote baissée. Que pourrait-il y avoir d'autre que du soleil à Miami? Nathalie me détrompe m'affirmant que parfois, en plein midi, le ciel est d'un noir d'encre et que de véritables trompes d'eau rendent la circulation impossible. Elle s'empresse d'ajouter que nous n'avons pas grand-chose à craindre, février est le mois le plus sec de l'année. Après un solide petit déjeuner, nous sommes partis tôt, en tout début de matinée. En passant devant le chalet de Gabriel, Nathalie a soufflé un baiser affirmant que ce baiser lui porterait bonheur. Bien que nous repassions par les mêmes îles, le paysage a changé. Nathalie m'explique que c'est dû au fait qu'à l'horizon se profile le trait de côte alors qu'à l'aller, le regard portait sans limite sur l'immensité de l'océan. Rien ne nous presse. Nous flânons cheveux au vent. Après une petite heure de route, nous dépassons la bourgade de Manatee et ses marinas. Encore quelques centaines de mètres et nous serons sur le continent. Nathalie ralentit encore. Je présume que c'est pour mieux admirer le mangrove dont on aperçoit les premiers palétuviers, mais sans préavis, elle met son clignotant et s'engage sur une sortie qui, après 500 mètres, aboutit à une patte d'oie. Je sors de la semi-léthargie dans laquelle le vent marin et le ronronnement du moteur m'avaient plongé. Mais où allons-nous ? Nathalie me regarde avec un sourire en coin. « Allez, la sieste est finie, on se réveille, nounours !»« Nounours ?» Elle ne m'avait encore jamais appelé comme ça. « Nounours, c'est nouveau. »« Je pensais que tu étais en hibernation. » Un léger mouvement du poignet de la conductrice nous engage sur la gauche de la patte d'oie. « Je ne sais toujours pas où nous allons. » Nous passons sous la highway et la route se rétrécit entre mangroves et magnolia parmi lesquelles on aperçoit quelques constructions de bois plutôt sommaires. Nous allons rendre visite à un vieil ami. Au tressautement de la suspension, je finis par me rendre compte que la route n'est plus qu'un souvenir. Nous sommes sur un chemin de terre qui d'ailleurs ne va guère plus loin. À droite, une construction de bois et de parpaings assez coquettes, aux fenêtres fleuries et de jardinières multicolores et, sur le fronton, un grand panneau en lettres peintes, Everglades, avec juste en dessous, Canoe Airboats. À quelques 20 mètres derrière, une jolie maison tout aussi fleurie dont la grande terrasse est ombragée par deux tamariniers d'une taille respectable. Dans le fond, une petite anse avec d'un côté quelques canoës et de l'autre, trois hydroglisseurs au mouillage. À gauche, un immense parking de terre battue avec une bonne douzaine de véhicules entre lesquels nous nous garons. Nathalie coupe le moteur, nous descendons. J'interroge mes surprises du regard. « Un vieil ami, disais-tu ? » Je n'ai pas le temps de préciser ma question qu'un cri que l'on situerait entre le barrissement d'un éléphant et le rugissement d'un lion retentit derrière moi. Je sursaute et me retourne d'un bloc. Une espèce de géant roux et barbu fonce sur nous à une vitesse étonnante pour sa masse. Il va droit sur Nathalie, qui sachant mieux que personne que l'énergie est égale au produit de la masse par le carré de la vitesse, devrait être inquiète et même très inquiète. Elle ne l'est pas, et tout au contraire, s'avance vers lui avec un large sourire, les bras tendus. L'impact que je redoutais n'a pas lieu. Le géant roux pile net à 50 centimètres de Nathalie, la prend dans ses bras et la fait virevolter en tournoyant sur lui-même comme une toupie. « Nat, I missed you !»« You too, Ned. » Il la repose au sol comme une plume. Elle se tourne vers moi. « Ned, je te présente John, mon ami. John, je te présente Ned, mon ami d'enfance. » Ned se lance dans une phrase interminable dans laquelle je comprends vaguement que je suis le bienvenu, et laquelle j'essaie de répondre comme je le peux dans la langue de Shakespeare. C'est une catastrophe. Ned me regarde, ébahi, puis, avec un épouvantable accent du sud, se tourne vers Nathalie. « He's French !» Sourire amusé de Nathalie. « Nous allons donc parler espagnol, ce sera plus facile pour tout le monde. » Et de m'expliquer que son père et sa mère venaient très souvent se détendre ici, et qu'il s'était lié d'amitié avec les parents de Ned. C'est au cours de mémorables parties de pêche que les deux enfants de 10 ans étaient devenus inséparables, faisant les 400 coups, explorant le marais que Ned connaissait comme le fond de sa poche. Les années les avaient vus prendre des chemins différents, mais il ne manquait jamais une occasion de se retrouver. Tout en écoutant les explications de Nathalie, nous suivons Ned jusqu'à un petit ponton de bois auquel est amarré un large canoë qui semble nous attendre. C'est manifestement là-dedans que va se poursuivre notre journée, Nathalie confirme. Bien qu'il sache, et pour cause, que Nat connaît très bien le coin, Ned nous récite la checklist des règles de navigation et des consignes de sécurité. Suit un rapide inventaire qui a surtout pour but de nous faire savoir où sont les équipements. Gilet de sauvetage sous chaque banquette et dans un petit conteneur étanche, deux radios avec carte et boussole, plus plan des itinéraires balisés avec notices explicatives sur les haltes possibles. Nos déjeuners et des boissons fraîches dans une glacière et un dernier conteneur pour nos vêtements au cas où nous serions tentés par une bronzette. Pour la baignade, Nat me précise qu'il vaut mieux ne pas trop y penser. Les alligators. Ils sont assez rares dans le coin, mais il vaut mieux être prudent. Ned conclut son exposé en nous mettant en garde contre les coups de soleil parfois méchants et nous rappelle que nous disposons de deux bobs pour protéger nos crânes de nordistes. Avant de libérer notre canot, il s'adresse à Nat. Vous restez dîner ce soir. Sonia est partie faire les courses et elle serait furieuse d'avoir cuisiné pour rien. Tu sais que si elle est adorable, il vaut mieux ne pas la contrarier. En plus, c'est moi qui en ferai les frais. Je vous récupère à 17 h au terminus canoë et l'on rentre en hydroglisseur. Il repousse le canoë du pied. Have a nice trip, Nat lui répond. Merci. À tout à l'heure. Et nous dit à Sonia que ce sera double ration de poulet frit. Et tandis que le canoë s'éloigne, courant sur son air, elle me précise. Tu vas manger le meilleur poulet frit et les meilleurs potatoes de tous les États-Unis avec une sauce Tex-Mex maison à tomber par terre. Je suis à l'avant du canoë, elle à l'arrière et je lui tourne le dos. Je me crois donc obligé d'élever la voix pour qu'elle m'entende. « Ok, je vais essayer de ne pas trop forcer sur les sandwichs à midi. » La voix de Nathalie est pleine de reproches. « Pas si fort. Tu vas effrayer tous les oiseaux à 3 km alentour. Tu n'as pas besoin de crier. Parle normalement. » La voix porte loin sur l'eau et je ne suis qu'à 2 m. « Bien trop loin à mon goût. Je ne te vois pas. » « On doit faire une halte toutes les heures. » En attendant, silence, profite du paysage et pagaie. Je réponds sur le ton de la plaisanterie. Bien, capitaine, et donne mon premier coup de pagaie. Le canoë glisse lentement sur l'eau libre, puis 300 m plus loin, s'engage dans un chenal qui s'enfonce dans les hautes herbes. Derrière moi, la voix de Nathalie. Tu as déjà fait du canoë? Non, jamais. Pourquoi? Parce que tu as un très bon coup de pagaie et une cadence régulière. Ah, merci. Les restes de l'entraînement militaire, sans doute, mais c'était sur des zodiaques. Un silence, puis la voix de Nat, tout à coup plus basse. John, je t'aime. Je t'aime aussi, Nat, très fort. Au bout d'un quart d'heure de navigation, les hautes herbes s'éclaircissent puis disparaissent, laissant la place à l'eau libre sur laquelle flottent des paquets de hyacinthes d'eau et de larges nénuphars. Sur notre droite, une bande de terre herbeuse avec les premiers arbres de ce qui semble être le début d'une forêt, dont les troncs élancés ont tous les pieds dans l'eau. Nathalie dirige le canoë vers une petite crique de sable fin. Je saute à terre, assure le canoë et aide Nat à descendre. Elle a pris une bouteille d'eau fraîche dans la glacière. Nous nous asseyons sur le sable et buvons chacun quelques gorgées. Je regarde Nat perdu dans la contemplation du marais. J'ai une question sur le bout de la langue depuis tout à l'heure. Elle sourit, sachant déjà ce que je vais dire. Je t'écoute. Nous étions manifestement attendus. Depuis quand? Depuis notre départ pour les Keys. J'ai confirmé par téléphone depuis la villa. Confirmé? Oui. Je viens tous les ans à la même période. Et je ne manque jamais de passer voir Ned et Sonia. Elle semble perdue dans ses souvenirs. Il est comme un frère pour moi. Puis regarde sa montre. Je crois que nous devrions y aller. On va passer par la forêt. Tu verras, c'est magnifique. Elle se relève d'une simple détente des reins et des jambes sans même prendre appui au sol de ses mains. Je suis impressionné, essaye de l'imiter et retombe lamentablement sur mes fesses. J'aurais dû faire du yoga, comme elle. Elle sourit et me tend une main que je saisis. Dans l'élan, je me retrouve tout contre elle. Merci, madame, cela vaut bien un baiser. 30 secondes d'apnée plus tard, je lui rends ses lèvres et plissant les yeux, elle me donne une pitchenette sur le bout du nez. « Maintenant, je crois que l'on peut y aller. » Il vaudrait mieux enlever nos chaussures et remonter nos bas de pantalon, parce que là, il n'y a pas de ponton, et il va falloir pousser. Tandis qu'elle retient l'embarcation, je regagne ma place. Un savon coup de rein, une poussée, et Nathalie saute prestement dans le canoë. Dès les premiers mètres, les arbres se densifient, et nous sommes bientôt au cœur d'une forêt aquatique avec une canopée si dense que le soleil a du mal à percer et à parvenir jusqu'à nous. Nathalie me souffle. Ce sont des cyprès à tête blanche, des arbres qui vivent les pieds dans l'eau. Nous poursuivons. Le silence est impressionnant. On entend distinctement les filets d'eau glissant sur les flancs de l'embarcation et les gouttes tombant des pagaies. On se croirait dans une cathédrale dont les arbres seraient les piliers et leurs cimes les vitraux filtrant la lumière. Comme dans une cathédrale, chaque bruit est amplifié et produit un écho qui se répercute dans les moindres reliefs de la nef. Je réalise brusquement que je suis complètement perdu. Tout se ressemble. Impossible de prendre un repère dans ce fouillis végétal. Inquiet, je me retourne, Nat me sourit. Elle n'a pas du tout l'air d'être anxieuse, et guide notre frêle esquive sans aucune hésitation. Seigneur, comment fait-elle pour trouver son chemin dans ce labyrinthe? Plus tard, elle m'explique que c'est un jeu d'enfant. Quand on connaît l'astuce, il suffit de repérer d'après l'orientation de la barbe espagnole. La barbe espagnole étant une plante tropicale épiphyte gris-blanc qui pend aux branches des arbres. Au bout de 3/4 d'heure d'une navigation magique, nous sortons petit à petit de la forêt pour déboucher dans un chenal de près de 5 mètres de large bordé de palétuviers. Encore quelques centaines de mètres et une petite crique comme celle de tout à l'heure apparaît. Il est presque 13 heures lorsqu'on s'arrête pour le pique-nique. L'endroit grouille de vie. Ce ne sont partout que cris d'oiseaux et claquements de bec que je reconnais sans hésitation. Des cigognes. Sur notre gauche, sans doute vers la mer, un groupe de pélicans survole les hautes herbes. J'aide Nathalie à débarquer la glacière et quelques minutes plus tard, nous attaquons nos sandwiches qui n'ont qu'un défaut, être faits avec du pain de mie. Entre deux bouchées, Nathalie, qui m'observait du coin de l'œil, remarque « Tu as raison, ça sera meilleur dans une baguette bien croustillante. » J'en reste bouche bée. « Ah ça, mais tu es vraiment une sorcière pour lire ainsi dans mes pensées. » Elle rit. « Il n'y a rien de bien sorcier à deviner ce que pense un Français qui mord dans un sandwich de pain de mie. Et puis, pour moi en tout cas, tu as un visage très expressif. » Je me penche et lui vole un baiser au parfum de mayonnaise. Pas très glamour, mais si doux. Nous faisons descendre nos sandwiches à grande lampée d'eau fraîche. Me regardant boire, Nathalie semble réfléchir. Peut-être la suite de notre séjour. Bingo, moi aussi je lis dans ses pensées. Tu sais, John, pour la halte chez Ned, j'aurais dû t'en parler d'abord, c'était la moindre des choses. Je proteste. Mais non, c'est une excellente surprise, au contraire. Je ne m'attendais pas du tout à être ici aujourd'hui avec toi, dans cet endroit magnifique, où tu venais quand tu étais enfant, alors que je pensais rentrer directement à Miami. En plus, je fais la connaissance de ton ami d'enfance et je vais déguster le meilleur poulet frit de tous les États-Unis. C'est vrai. Ça te fait vraiment plaisir? Oui, Nat. J'ai l'impression de vivre dans un rêve. Je suis soulagé, parce que j'avais le sentiment de ne penser qu'à moi, et de t'avoir un peu oublié. Je prends un air faussement soupçonneux. C'est le cas? Non, sûrement pas. Mais je crois que dorénavant, je t'en parlerai d'abord. Je me sentirai un peu moins égocentrique. J'éclate de rire. Toi, égocentrique, dis-moi plutôt que demain le soleil se lèvera à l'ouest. Là, je te croirai. Les fossettes de son sourire me disent combien elle est soulagée. Bon, eh bien, suite du programme de notre voyage, ce soir on dort calé au chaud. Demain matin, après le petit déjeuner, on part pour Melbourne, là où j'ai vécu quand papa travaillait à la NASA. On descend au Hilton et puis on visite la ville de mon enfance. Le soir, dîner chez un vieil ami de papa, Fred Cunningham, toujours consultant à la NASA et qui a été mon directeur de thèse de géophysique. On passe la nuit au Hilton. Et le lendemain matin, on repart sur Miami. Pour le reste, on improvisera. Elle me regarde avec un petit air interrogateur. Est-ce que ça te va? Je prends sa main que j'embrasse. Tout me va, à une condition. Une condition? Ah, et laquelle? J'exige au minimum un bisou toutes les heures. Elle roule sur moi et entreprend de me dévorer les lèvres. C'est un bruit de voix et de pagaie se rapprochant qui nous sépare. Nous reprenons très vite nos esprits et une position un peu plus décente. Devant nous, un canoë avec un couple passe lentement dans le chenal en nous faisant de grands signes de la main. La dame nous interpelle. « Vous êtes les derniers de la journée. Nous dirons au relais que l'on vous a doublé. » Nathalie se lève et répond. « Dites-leur que nous serons à 15 minutes derrière vous. » Le canoë est déjà loin. Pouce levé, la dame nous fait signe qu'elle a compris. Je prends un air faussement boudeur qui interpelle Nathalie. « Quoi ?» Je ris. Je croyais que nous allions poursuivre cette conversation si agréablement commencée. Sa réaction est on ne peut plus explicite. Désolé, mais Gabriel et toi ne m'avez pas laissé une minute de répit. N'oublie pas que si vous avez tenu 3 rounds chacun, en ce qui me concerne, c'était carrément... » Soulevant un sourcil, rabaissant l'autre, je lui lance un regard suspicieux. Elle rectifie. « D'accord, ok. 4 pour Gabriel, mais pour moi c'était au moins le double. » Je ne sais plus combien d'orgasmes j'ai eu chaque fois. C'était merveilleux, mais il va me falloir une longue nuit de repos pour me refaire une virginité. « C'est entendu. Je veillerai donc sur ta vertu. » Elle éclate de rire. « Seigneur, avec ce que nous avons fait cette nuit, ma vertu est définitivement compromise. Allez, viens m'aider, au lieu de dire des bêtises. » Le panier à pique-nique et la glacière sont rangés dans le canoë en un tournement. Il nous reste à peu près une demi-heure de navigation dans le chenal avant de rejoindre un vaste plan d'eau bordé de hautes herbes et de palétuviers centenaires. Le spectacle est magnifique. Au milieu d'un concert de piaillements, des nuées d'oiseaux cherchent un refuge pour la nuit. Il n'est pourtant que 16 heures, mais c'est déjà la grande bagarre à qui trouvera et gardera son petit bout de branche, un perchoir pour la nuit. Il est vrai qu'ici, le soleil se couche vers 18 heures. En vue du relais, tout au bout du plan d'eau, nous entendons et voyons distinctement un hydroglisseur quitter l'appontement puis disparaître derrière les hautes herbes. Nous serons arrivés dans 5 minutes. Ma remarque fait sourire Nathalie. Je ne la vois pas. Son sourire est dans le ton de sa voix. Tu me parais bien optimiste. Les distances sur l'eau sont trompeuses, et je crains qu'il ne faille multiplier par 2 le temps qu'il nous reste à pagayer. Elle a raison. Et comment pourrait-elle se tromper? Elle est ici chez elle, dans son environnement. Elle a déjà dû faire ce trajet une bonne centaine de fois. Lorsque nous rejoignons l'embarcadère, Ned est là à nous attendre comme promis. Glacière et panier sont transférés dans le seul hydroglisseur encore amarré, et nous embarquons. Pour équilibrer le bateau, Ned s'installe le premier, à la place du pilote à l'arrière, sur un siège surélevé par rapport aux autres. Il lance le moteur et la gigantesque hélice carénée se met en rotation. Nathalie, qui attachait ses cheveux avec un élastique, se retourne vers Ned et lui fait signe pouce levé que nous sommes prêts. La large main velue de Ned défait l'amarre du bateau et manipule quelques manettes. À petite vitesse, nous décollons du ponton et au fur et à mesure que nous nous engageons sur le plan d'eau, Ned accélère. C'est impressionnant. Le flyboat porte bien son nom. Nous ne naviguons plus, nous volons. La coque ne doit pas s'enfoncer de plus de 3 cm dans l'eau, et lorsque nous abordons une zone herbeuse, Ned ne ralentit même pas. C'est extraordinaire, car derrière nous, après notre passage, pas une herbe ne reste couchée. Elle se redresse toute comme après avoir été caressée par une main de géant. Ce serait parfait s'il était possible de se parler. Le bruit du moteur est si intense qu'il interdit toute conversation. Le sourire de Nathalie se passe de commentaires. Je n'ai qu'à m'emplir les yeux de son profil de Madone avec en arrière-plan le soleil qui descend lentement sur les Everglades. 10 minutes plus tard, Ned nous fait accoster au ponton dont nous étions partis ce matin en canoë. On se dirige vers notre voiture et Nathalie ouvre le coffre dans lequel Ned récupère nos 2 valises comme s'il s'était agi de 2 brins de paille. Sonia, car je suppose que c'est elle, nous a entendu arriver et nous attend sur le seuil de la maison. Le moins que l'on puisse dire est que c'est une femme imposante. À peu de choses près, elle a la même taille que Nathalie, mais elle est bâtie comme une lutteuse. Beaucoup de muscles, un visage avenant éclairé de 2 grands yeux verts et encadré d'une chevelure blonde coupée très court. Il émane d'elle une grande gentillesse, dont on comprend cependant immédiatement qu'il ne doit pas être très prudent d'abuser. Les présentations faites, Ned nous conduit à une chambre où nous pourrons nous doucher et nous changer avant de redescendre boire une bonne bière bien fraîche. Lorsque nous redescendons, Ned a déjà rejoint Sonia en cuisine où il achève la préparation d'une salade de fruits. La soirée va passer bien trop vite. Le délicieux repas se termine en apothéose par la salade de fruits de Ned, qui malgré toutes les tentatives de séduction de Nathalie, refuse obstinément de lui donner la recette. De toute façon, il y a plein d'épices qu'on ne trouve qu'ici, et maman m'a fait promettre de ne la transmettre qu'à mes enfants. Alors tu as beau être ma sœur, tu vois bien que je ne peux vraiment pas. Comme ça, si tu veux en manger d'autres, tu seras bien obligé de venir me voir. Je complimente Sonia pour son poulet et ses potatoes, et ce n'est pas du tout une simple politesse. De toute la soirée, c'est elle qui s'est montrée la plus curieuse sur mes fréquents séjours en Afrique, essayant en vain d'imaginer ce que pouvait être ce continent. et les raisons pour lesquelles on pouvait s'attacher à cette terre bizarre et à ses habitants qui semblent l'être encore plus. Le moment du départ arrive bien trop tôt. Il est plus de 23 heures et nous avons encore une heure de route pour rejoindre Miami. L'estimation était correcte et à minuit pile, nous franchissons le portail de la villa de la Calais au chaud. À peine sommes-nous descendus de voiture qu'un domestique surgit de nulle part, ouvre le coffre, s'empare de nos bagages et nous précède. Nathalie n'a pas le temps de réagir que, l'empoignant sous les épaules et sous les genoux, je la prends dans mes bras pour monter l'escalier. Le premier instant de surprise passé, elle s'abandonne et la tête nichée au creux de mon épaule se blottit contre moi. Lorsque je la dépose sur le palier qui mène à notre chambre, elle laisse échapper un petit soupir de regret. Dommage qu'il n'y ait qu'un étage. J'étais si bien. Elle titube de fatigue ou, si ce n'est pas tout à fait le cas, limite assez bien pour me suggérer l'idée de la déshabiller et de la mettre au lit. Un instant très doux qui m'autorise à distribuer baisers et caresses jusqu'à ce qu'elle s'endorme, ce qu'elle fait, la tête à peine posée sur l'oreiller. Brevard County, Melbourne City, population 51 220. Nous venons juste de passer le panneau après 3 heures de route. Quelques 10 minutes plus tard, Nathalie se gare devant le Hilton où bagagistes et voituriers entrent en action avec la célérité et l'efficacité que confère une longue pratique. C'est donc, escorté d'un bagagiste galonné comme un amiral, que nous nous présentons main dans la main à la réception. La chambre est magnifique. Un lit grand comme un terrain de football et un jacuzzi qui fait penser à une piscine olympique. Le temps de vider nos balises et ranger nos affaires, et nous voilà redescendus à la réception où nous nous indique le buffet, juste pour un bref encas qui nous permettra de faire honneur au dîner chez les Cunningham, sans être déjà rassasiés par un déjeuner copieux. Nous nous installons dans la salle du buffet. Sans nous être concertés, Nathalie et moi avons pris une assiette composée pour moitié de sushis et pour l'autre d'une salade de crudités. En revenant à notre table, notre assiette à la main, nous nous retournons nez à nez au milieu de l'allée. Nous nous asseyons et Nathalie sourit de toutes ses fossettes. La disposition mise à part, je crois que nos assiettes sont strictement identiques, même sushi et à la pousse de soja près. Pour un hasard, je ne finis pas ma phrase. John, il n'y a aucun hasard à cela. Chaque jour passé près de toi m'en convainc davantage. De petits événements de ce genre, il s'en produit 10 par jour. Sans aller jusqu'à penser ce que pense l'autre, nous ressentons en même temps les mêmes choses. Je sais d'instinct ce que tu éprouves en telle ou telle circonstance, et toi de même, en ce qui me concerne. Ce que tu appelles hasard est tout simplement une symbiose, celle de nos cœurs, celle de nos âmes. Je sais que tu as raison, mais c'est tout de même difficile à intégrer. Ses yeux et son nez se plissent. Alors ne l'intègre pas, dis-le. Comme la nuit avec Gabriel, point n'a été besoin de nous parler bien longtemps. Nous ne l'avons peut-être pas intégré, mais nous l'avons vécu, de tout notre corps, de tout notre cœur et de toute notre âme. Elle s'interrompt un instant. Seigneur, mangeons et parlons d'autre chose. Je sens mon ventre se contracter et ça, ce n'est pas de la faim. Elle se penche par-dessus la table et m'embrasse, puis se rasseyant attaque la première bouchée. J'avais pensé à te faire visiter la ville. C'est toute mon adolescence, de l'âge de 10 ans à ma 17e année quand je suis entré en prépa. Nous pourrions finir l'après-midi à la piscine avant d'aller nous préparer pour le dîner. Qu'en penses-tu ? Je lui prends la main. Adopté, à l'unanimité. Je l'observe pendant qu'elle mange. Cette femme est un ravissement. Je m'identifie à chacune de ses bouchées. C'est comme si elle me dévorait lentement. John ? Oui, pardon, j'étais ailleurs. Vraiment ? Parce que j'ai cru un instant que tu me regardais manger et que ce spectacle était fascinant. C'est exactement le mot qui convient. Tu es fascinante, mais surtout quand tu manges. Nathalie reste la fourchette en l'air et en oublie de refermer la bouche. C'est bien la première fois qu'un homme me dit trouver ma façon de manger fascinante. Peut-être parce que c'est la première fois qu'un homme t'aime vraiment. Je vois bien qu'elle est émue. Elle s'assoit par une pirouette. Eh bien, autant profiter. Je vais mettre les bouchées doubles. Ce bref repas terminé, Nathalie m'entraîne dans les rues de la ville qu'il a vu grandir. Tout d'abord, la maison. Une de ces maisons américaines avec une pelouse ouverte sur la rue dans une zone pavillonnaire assez cossue. Nathalie serre ma main très fort. Cela doit faire 6 ans que je n'y étais pas revenu. Ma chambre donnait sur le jardin, derrière. Puis, quelques 500 mètres plus loin, la high school, dont elle garde un souvenir marquant, celui de son premier baiser à 14 ans, alors qu'elle avait décidé que le gamin boutonneux assis à sa droite était son futur mari. Elle se souvient aussi du professeur qui avait convoqué ses parents, pour leur dire que leur fille avait non pas des dispositions, mais un véritable don pour les mathématiques et les sciences. Nous reprenons la voiture pour suivre le trajet du bus scolaire. Il me parle de ce qui lui était arrivé en 3e année. Elle apprenait 10 fois plus vite que les autres, et sa mémoire lui permettait de tout retenir de ce qu'elle lisait, à la virgule près. Pour se soustraire au harcèlement d'un trio de filles aussi bêtes que méchantes, elle avait pris le parti d'adopter un profil bas en faisant exprès de donner de mauvaises réponses aux interrogations orales et de bâcler ses devoirs. Sa moyenne avait très vite chuté, et de A+, elle était passée en 3 mois à E-, le niveau le plus bas. Elle était devenue une mauvaise élève. Mais le trio infernal avait cessé de s'intéresser à elle et l'avait eu la paix. Au dernier trimestre, n'en pouvant plus, elle avait décidé de réagir. Elle était allée voir son professeur de maths à qui elle avait tout expliqué. Les choses étaient très vite rentrées dans l'ordre, les 3 harpies réduites au silence. Elle me dit que ça avait été la meilleure leçon de sa vie, à savoir que lorsqu'on cède à la bêtise pour avoir la paix, c'est comme si l'on acceptait d'être lobotomisé. Il doit être 18h30 et il fait déjà presque nuit. La Mustang se faufile dans la circulation, et tandis que Nathalie se concentre sur sa conduite, je me remémore ses paroles de tout à l'heure à la piscine du Hilton. Allongé sur mon transat tout à côté d'elle, les yeux dans les siens, c'est comme si je volais dans l'azur du ciel. Sa question avait fait éclater la bulle d'apesanteur qui me maintenait loin de ce monde. « Est-ce que tu m'amèneras ?» J'avais balbutié. « T'amener ?»« Où ? Où voudras-tu que je t'amène ? Visiter le pays de ton enfance ?»« Je crois qu'on l'appelle le pays bleu. » »« Est-ce que c'est parce que le ciel y est toujours bleu ?»« C'est exact, mais pas seulement. » »« Toutes les portes et les fenêtres y sont peintes en bleu, comme tes yeux. » J'avais promis d'organiser ça aussitôt que possible. Mais je ne sais pourquoi j'avais ressenti une terrible angoisse et un frisson glacé m'avait parcouru le corps. Nathalie s'était méprise. « Tu as froid ? Viens, on va rentrer. D'ailleurs, il est temps de se préparer, si l'on veut être chez Fred pour 19h. » Nous roulons vers les quartiers sud. Je jette un coup d'œil sur Nat à la dérobée. Son pantalon de cuir noir et son chemisier cintré de satin bleu nuit lui font comme une seconde peau. Sur ses épaules, elle a jeté une veste de lin blanche. Quant à moi, à part le pantalon de coton, je suis habillé à l'identique, chemise de coton bleu nuit et veste de lin blanche. Nous avons tous deux voulu cet effet miroir pour que, sans que l'on ne dise rien, chacun comprenne que l'un est l'autre et que l'autre est l'un. Guidé par la main experte de Nathalie qui, j'en ai la certitude, pourrait conduire dans cette ville les yeux bandés, nous roulons vers la banlieue sud et abordons bientôt une zone résidentielle. Maison cossue et large pelouse ouverte sur la rue. Je suis sur le point de poser une question, mais la réponse vient avec la manœuvre de Nat qui se gare devant une très grande villa avec double garage en façade. Un geste au tableau et la capote de la voiture se rabat silencieusement. Sans attendre que je vienne lui ouvrir la portière, Nathalie descend de voiture un sac de papier craft multicolore à la main. Dans la lumière des lampadaires qui éclairent la rue, sa crinière blonde lui fait comme une auréole. Nous montons les 3 marches de la terrasse et Nat appuie sur le bouton de sonnette qui déclenche un carillon mélodieux. Le grand adolescent aux cheveux blancs qui nous ouvre la porte lui tend les bras et Nathalie s'y précipite. « Oh, Fred, il y a si longtemps !» Le câlin dure une éternité et la dame aux cheveux bruns qui se profile derrière Fred me fait un grand sourire avec un petit signe de la main. Les effusions des retrouvailles terminées, Nathalie fait les présentations. En remettant le paquet à Meg, la femme de Fred, elle précise à mon sujet « The Bushman ». Dans l'immense séjour, nous attendent 2 autres couples que l'on nous présente comme des collègues de travail de Fred. Bref, sur les 8 personnes présentes dans cette pièce, 7 doivent totaliser un maximum de bac plus 50, de quoi me filer des complexes pour le restant de mes jours. Cependant, pendant l'apéritif et la presque totalité du dîner servi par le meilleur traiteur de Melbourne, je suis le pivot de la conversation. Les 2 bouteilles de Malais amenées par Nathalie dans ce mystérieux paquet ne sont sans doute pas étrangères à l'indulgence de mes interlocuteurs, pour la qualité à peine passable de mon anglais. Le vin, certes, mais aussi l'aide précieuse de Nathalie qui vient régulièrement à mon secours. Après le café, il n'est pas loin de 23 heures et les invités de Meg et Fred prennent congé. Tout le monde travaille demain matin, et pour l'un des deux couples, la baby-sitter doit être libérée avant minuit. C'est tout juste si Nathalie, en grande conversation avec Fred, s'est rendue compte de ses départs. Bien sûr, elle a dit au revoir à tout le monde et, comme à son habitude, avec force sourire, mais manifestement, elle est ailleurs. Mon observation se confirme lorsque Fred, l'air un peu gêné, se tourne vers moi. « Je vous enlève Nathalie pour quelques minutes, ce ne sera pas long. » À cette affirmation, Meg sourit. Je ne sais si elle est aussi une scientifique. Je suppose que oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a de solides notions sur la relativité et en particulier le rapport au temps qu'a son mari. Je l'aide à débarrasser la table, à tout ranger au lave-vaisselle, et nous pouvons même nous octroyer une pause café. Meg me remercie pour le coup de main et au passage jette un coup d'œil à sa montre. Cela va faire une demi-heure que Fred et Nat se sont éclipsés. C'est à cet instant que Nathalie réapparaît, tout excitée. « John, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ?» Elle se tourne vers Meg. « Meg, venez aussi, vous n'allez pas rester seule. » Nous lui emboîtons le pas et au bout du couloir entrons dans une immense pièce à la fois bureau et bibliothèque. Au mur, des rayonnages remplis de livres dont on voit immédiatement qu'ils sont fréquemment consultés. Au milieu, une très grande table avec des cartes bizarrement renseignées, maintenues par quelques presse-papiers et d'autres encore roulées dans leur étui de carton. Lorsque nous entrons, Fred parle tout seul. Bien sûr, c'est elle qui a raison. M'apercevant, il s'avance vers moi. « Excusez-moi, je ne pensais pas retenir si longtemps. Vous allez peut-être pouvoir nous aider. » Il m'entraîne vers la grande table sur laquelle est fixée par 4 plots de laiton ce que je suppose être une carte qu'il pointe du doigt. Reconnaissez-vous cet endroit ? Je me penche sur le document et me redresse, perplexe. Non, pas vraiment. Je ne comprends rien à toutes ces couleurs, ces hachures bizarres qui partent dans tous les sens et à ces symboles alphanumériques. Je me tourne vers Nathalie. Désolé. Avec un petit sourire, elle tire une autre carte de son étui, la déroule, la superpose à la précédente et l'immobilise avec les mêmes presse-papiers. Peut-être ceci était-il plus familier ? Je me penche vers le nouveau document et là, il ne me faut pas 3 secondes pour reconnaître ce que j'ai sous les yeux. C'est une carte géologique à grande échelle du sud du Tchad, du Cameroun et du Gabon. Nathalie s'exclame « Bingo !» Fred me regarde étonné. « Comment avez-vous pu reconnaître la région instantanément ? Sur une carte géologique, ce n'est pas évident. » Nathalie me fait signe d'expliquer. Tout simplement parce que la canne à sucre a horreur des sols trop acides assis sur des massifs cristallins. C'est pourquoi nos plantations, à l'exception de celles du Gabon, sont implantées sur des substrats calcaires et au bord d'un fleuve pour l'irrigation. De plus, avant l'étude pédologique, chaque implantation a fait l'objet d'une exploration par photo aérienne pour repérer les zones de savane où la végétation est la plus dense. Je fais glisser mon doigt sur la carte. Voilà l'affleurement calcaire qui court de là. Le Tchad, là, le centre du Gabon. Vous cherchez les zones de végétation les plus denses. À quel endroit précis cet affleurement est recoupé par un fleuve ou un cours d'eau important, vous avez ce point. C'est la plantation du Tchad. Et ce point, c'est la plantation du Cameroun. Pour celle du Gabon, son implantation était décidée à cet endroit pour des raisons plus politiques que pédologiques. Nous avons ici la ville natale du président. La zone où l'affleurement calcaire semble avoir été avalé par le massif gréseux des plateaux batéqués. Nathalie est excitée comme une puce et me saute au cou. Merci, John, merci. En plus du cours sur Fontainebleau, tu pourrais donner des cours de géologie. Tu ne t'en doutes peut-être pas, mais à cet instant, tu viens de nous donner un indice précieux sur une anomalie magnétique particulièrement coriace. Je suis surpris, mais surtout intrigué. Comment mon repère géographique peut-il être un indice sur une anomalie machin chose dont j'entends parler pour la première fois de ma vie ? Fred nous serre vivement la main, à tous les deux. Nathalie a droit à un câlin en prime. « Quand repartez-vous sur Miami ?» Nathalie m'interroge du regard. Nous avions prévu de rentrer demain midi, mais personne ne nous attend, et nous pouvons très bien passer une nuit de plus à Melbourne. Fred se frotte les mains et, tout à son problème, on oublie de la remercier. Magnifique. Là, je crois qu'on la tient. Le mieux, c'est que vous venez à la maison. Bière et sandwich à volonté. Midi, ça vous va ? Meg ne sera pas là, c'est le jour de son association. » Il se tourne vers elle. « Mais je te raconterai tout. » « Ah, ça, je n'en doute pas une seconde. » On dirait que Fred est branché sur du 100 000 volts, se passant sans arrêt la main dans les cheveux en une espèce de tic nerveux, la tignasse en bataille et les lunettes sur le bout du nez, il s'adresse à Nat. « Il faudra que je le cherche. » « J'ai conservé un exemplaire de ta thèse dans mon bureau. Le 3e chapitre va nous être très utile. » Lorsque nous prenons congé en les remerciant pour cette très belle soirée, c'est surtout Meg qui nous remercie. Depuis le temps qu'il travaille là-dessus, il va enfin dormir dans son lit un peu plus souvent.